J'ai juste envie de m'évader, juste envie de m'en aller loin d'ici. Prends du recul sans savoir nulle part où aller. Laisse le vent me guider. Comme un nomade, je suis sans boussole, je suis sans repère, aucun raccourci. Juste un caméscope pour capturer tous les bons souvenirs. De couvrir mon émerveilles, de la boue sous mes oreilles. Ouh yeah. Voir de nouveaux paysages aux couleurs d'un arc-en-ciel. Ouh yeah. Partir à l'aventure, à la recherche de sensations inoubliables. Juste le temps d'une pause pour écouter les griots chanter. Adieu, adieu, j'aimerais me sentir libre comme le vent. Un nouveau jour, j'observe le soleil, le vent. À la recherche de sensations inoubliables, l'inhabituel, le temps de faire une pause. J'entends les griots chanter. En harmonie. DSK, coupe la mélodie. Je veux entendre les griots chanter. Adieu, adieu, adieu, adieu.